ta justice au fils du roi. Qu'ils défendent les malheureux, qu'ils sauvent les fils du pauvre, qu'il écrase l'oppresseur, que la paix fleurisse sous son règne. Tant que le soleil brillera, et sous la lumière de la lune, il descendra comme la pluie sur la prairie, comme des ondées qui arrosent la terre. Dans ces jours, la justice fleurira et l'abondance de la paix ne cessera. Il dominera d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre. Les rois se prosterneront devant. Que le soleil durera, ils te béniront d'âge en âge, on priera.